Europe Connection. Europe Connection. De Alexandra Badea. Tu t'approches du grand aquarium. Tu colles ta tête aux parois et tu regardes l'agitation des abeilles. Ça te touche. Un jardinier a reconstitué un champ de tournesol. Vous avez déversé une centaine d'abeilles. En haut, c'est écrit « Opération pollinisation ». Et en bas, sur un présentoir, il y a les pesticides qui ne sont pas nocifs à l'espèce. Tu regardes tout ça. Et soudainement, tu n'y crois plus. C'était ton coup. Tu y travailles depuis un an et là, au milieu du hall d'expo, tu sens le vide. Tu n'es pas payé pour croire. T'as dit ta femme hier soir quand tu as commencé à pleurnicher sur l'avenir de la planète. Tu le fais pour nous. Tu le fais bien. Je suis fier de toi. Tu regardes l'agitation des abeilles et tu te retrouves là-dedans. Tu exécutes les mêmes mouvements chaotiques dans les couloirs du Parlement européen, sauf que toi, tu ne produis rien. Que des mots. Rien que des mots. Des mots qui remplissent les dossiers des fonctionnaires. Que des mots. Des mots qui font multiplier le chiffre d'affaires. Que des mots. Tes mots ont l'odeur des pesticides. Tu pues l'acide. Que des mots. C'est ce que tu ressens en ce moment en regardant tout ça. Tu voudrais tout casser, briser le verre, entrer là-dedans et te faire bouffer par des bêtes. C'est un début de dépression, un burn-out. Prends des vacances, va dans les îles. Trouve-toi un petit coin de paradis et reste peinard. À l'ombre des cocotiers, une margarita dans ta main. Cache ta tristesse derrière tes Ray-Ban, dissimule ta détresse sous une couche d'huile essentielle et tout ira mieux. Ce n'est qu'un moment difficile à passer. Tu le dis et tu le redis dans ta tête. Mais ça ne bouge pas. Car tu sens que là, tu as un peu dépassé les bornes. Tout d'abord, tu crées une ONG fantomatique qui se bat pour la protection des abeilles. Tu la finances indirectement par la Fédération professionnelle des pesticides qui t'emploie aussi. Tu imprimes des brochures. Tu conçois des études. Tu écris des beaux discours. Tu sais le faire. Et tu lances la plus grosse opération de communication. Tu as lavé des taches dans ta vie. Tu sais comment dorer la réputation d'une entreprise. Tout est propre après ton passage. Tu es une machine à laver écologique, biodégradable, dernière génération. Là, tu laves depuis un an et rien ne se voit. D'abord, tu crées une ONG. Tu lui donnes un nom qui contient les mots « protection », « sauvegarde », « Europe », « espèce ». Tu commences les actions de protestation pour faire du bruit. Tu t'attaques toi-même en quelque sorte. Tu commandes des études scientifiques pour faire l'état des lieux. Et ensuite, tu reviens à la surface pour publier une grande victoire. La création d'une nouvelle gamme de produits compatibles avec les abeilles. L'ONG salue l'industrie. L'industrie félicite l'ONG. Ça tourne en rond. C'est beau. Ce sont les mêmes qui payent. Le monstre a deux têtes. Tu annonces l'événement. Les prix du développement durable. Tout le monde applaudit. Tu souffles. 9 mois pour construire une réputation sur du vent. T'as pondu un organisme fictif qui a la gueule d'un Che Guevariste. L'industrie se fait sa propre révolution et à la fin elle se donne un diplôme toute seule. Tu étais fort sur ce coup-là. On t'a félicité. Augmenté. Ton taux a explosé. T'as arrosé ça avec une veuve cliquot en compagnie de ta femme qui sait toujours comment te remonter le moral. Tu le fais pour nous. Tu le fais bien. Je suis fier de toi. Tout ça pour en arriver là. Au terminus. Devant un aquarium rempli des abeilles perdues qui font leur pollinisation dans un espace aseptique, sans aucune trace de pesticides. Le produit est en dehors du bocal. Il les regarde méchamment, il attend son tour. Tu vas péter les plombs, tu le sens. Alors tu avales un comprimé de Xanax en regardant les gens venir. Tu as tout calculé. À un tel événement, tout le gratin bruxellois y sera. Tu peux choper n'importe quel élu pour lui bourrer la tête de tes idées validées par le staff. Tu peux. Tu ne veux pas, mais tu peux ne plus en vouloir maintenant. La directrice de l'ONG vient te voir. C'est une belle métisse. Il fallait que ce soit une femme, issue de la diversité. Tu as bien galéré, mais tu l'as trouvée. Elle est belle, souriante, avenante, et elle apprend facilement les discours que tu lui écris. Elle n'a rien d'autre à faire à part ça et quelques papiers à signer. La stratégie, c'est toi. Sauf que personne ne doit le savoir. Dommage pour toi. Tu dois te cacher sous sa jupe. Tu lui donnes les dernières consignes et tu pars serrer les mains des commissaires. Tu colles ton sourire sur tes lèvres. Et au moment où tu vas faire la courbette devant le rapporteur chargé du dossier, tu vois tes bêtes sortir de leur enclos. Personne ne réagit. Ce n'est que toi qui vois des abeilles partout et elles pollinisent à mort. Tous les corps sont couverts des insectes et personne ne bouge. Alors tu comprends que tu te trouves au milieu d'une hallucination. Tu prends un verre de vin et tu vas mieux. Les abeilles sont à nouveau à leur place, derrière le verre. Et toi, tu continues à serrer des mains en mélangeant le Xanax à l'alcool. Au moment où tu es sur le point de siffler un discours préfabriqué à un expert de je ne sais plus quelle autorité européenne, les abeilles se mettent à mourir. La salle se remplit de cadavres et personne ne fait rien, que toi. Ta métisse commence à prononcer son discours comme si de rien n'était. Car rien ne se passe en dehors de ta tête, en vrai. Elle remet le premier prix au PDG de la boîte qui te signe tes fiches de paie. Et toi, tu es déjà enterré entre les abeilles mortes. Tu le fais pour nous. Tu le fais bien. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Tu le fais pour nous. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Je suis fière de toi. Tu le fais pour nous. Tu le fais bien. Tu le fais pour nous. Je suis fière de toi. Europe Connexion de Alexandra Badea, enregistré dans le cadre des Chantiers Nomades, avec Aline Lebert et David Botbol. Musique et création sonore, Benjamin Thuo. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Jean-Michel Coqui et Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Chloé Mauduit. Réalisation, Alexandra Badea et Alexandre Planck. Remerciements à Céline Geoffroy et à toute l'équipe des Chantiers Nomades.